Vous êtes sur Web7 Radio. Apprendre ou à débattre. Présenté par Adrien Brachet. Bonsoir à tous, il est 19h sur Web7 Radio. Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année au nom de toute l'équipe. Je suis très heureux de vous retrouver. Et en 2018, nous allons continuer à débattre, à réfléchir, à nous interroger. Nous allons continuer à prendre ce temps pour un débat de fond. Et nous ne sommes pas les seuls à faire ce pari qui peut paraître à première vue un peu fou ou décalé à l'heure des chaînes d'information et de Twitter. La semaine dernière, c'est un nouveau magazine, Hebdo, qui s'est lancé, 100 pages chaque semaine. Dans leur édito, les fondateurs de la revue expliquent qu'il ne s'agit pas de se déconnecter de la réalité des lecteurs, de rentrer dans quelque chose de trop littéraire ou d'inaccessible, mais d'évoquer, je cite, des sujets essentiels et les expliquer clairement. Malgré les critiques qu'a pu recevoir ce magazine, notamment comme le rapporte un article de Libération pour, je cite, son écriture mollassonne et ses sujets de vie très quotidienne, prendre ce temps est déjà une intention plus que louable. On n'est pas dans la vitesse, on n'est pas dans la surinformation, expliquait à l'AFP Patrick de Saint-Exupéry, l'un des fondateurs de la revue. À l'heure du commerce, du temps de cerveau disponible, l'information de fond, la réflexion ne sont pas mortes. D'ailleurs, le phénomène n'est pas isolé. Hein. En témoigne le succès de la revue 21 qui se vend à 50 000 exemplaires, ou le site d'investigation Les Jours, lancé par des anciens de Libération en 2016, ou encore la revue trimestrielle America qui vise à décrypter l'Amérique sous la présidence trumpienne. Et souvenez-vous, Robin, toi aussi, du journaliste Gérald Andrieux qui est revenu de son périple à pied à la rencontre de la France périphérique, nous lançait ici, sur ce plateau, « Je suis le journaliste le moins rentable de France ». À l'heure de Combini qui se targue de recevoir près de 60 millions de visiteurs annuels, le pari de la réflexion et de la slow information, comme se plaisent à le dire maintenant certains, n'est pas vain. D'ailleurs, à la télévision non plus, où le magazine d'investigation d'Élise Lucet, Cash Investigation, affiche plus 31% des 15-24 ans en 2017. Alors souhaitons-nous du débat et du temps pour ce débat à l'aube de cette année 2018. Mais sans plus attendre, je vous propose de saluer ceux qui vont nous entourer ce soir et qui vont faire le débat ce soir. D'abord Robin, bonsoir Robin. Bonsoir Adrien, bonne année. Bonne année, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année? Un CDI déjà pour commencer, pour pouvoir manger le soir. Puis autant que possible de soirées comme celle-ci autour de cette table ou d'une autre. Et je vais me le souhaiter à moi aussi alors dans ce cas-là. Ça. Arthur, bonsoir Arthur, toujours à la réalisation. Et oui, bonsoir Adrien, bonsoir à tous. On ne change pas les bonnes habitudes en cette rentrée 2018 et j'espère aussi vous retrouver plus souvent. Qu'est-ce le soir. Que je te souhaite? De trouver un stage aussi, un peu comme Robin, voilà, et plein de bonnes choses pour réussir ma première année de 2018. Eh bien, on va essayer de bien commencer. En tout cas, pour ce 97e numéro de Apprendre ou à débattre, nous recevons l'avocat Antoine Veil, associé de Maître Dupont-Moretti. Il vient notamment de participer au procès Mera et au procès des Gypsy Kings, hein, il nous disait juste avant d'arriver. Et dans notre grand débat, alors que Emmanuel Macron et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, viennent d'annoncer les grandes lignes de la réforme de la justice, nous nous intéresserons aux évolutions du monde de la justice, bien au-delà de cette réforme d'ailleurs, puisqu'il y a des sujets qui dépassent cette réforme. Et il y aura bien sûr les tops et les flops, ainsi que nos deux pauses musicales sélectionnées par une invitée surprise ce soir. Mais je ne vous en dis pas plus. Et tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de notre invité. Notre invité. Présentation. Bonjour Antoine Veil. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. Oui. Vous êtes avocat, vous avez étudié à l'université de Cambridge et à Panthéon-Assas, où déjà à l'époque vous vous distinguez en remportant plusieurs prix, notamment le concours de plaidoirie. Vous entrez ensuite à Sciences Po, vous vous spécialisez dans le droit pénal et notamment dans le droit pénal des affaires et également dans la défense des libertés fondamentales. Vous travaillez successivement dans plusieurs cabinets, puis en 2013, lorsqu'il ouvre une antenne à Paris, le plus célèbre des avocats actuels, Maître Dupont-Moretti, vous en donne la charge. Vous suivez alors de nombreux dossiers en France, mais aussi à l'étranger, et même devant les juridictions régionales et internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien sûr, aux côtés de Maître Dupont-Moretti, des dossiers très médiatisés, comme récemment le procès d'Abdelkader Mera, le frère du terroriste, ou l'ancien secrétaire d'État Georges Tron, dont le procès vient d'être reporté à une date ultérieure. Notons également que vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'école de formation du barreau de Paris et que vous avez créé la Nuit de l'éloquence, manifestation qui regroupe chaque année de nombreuses personnalités du monde juridique et met à l'honneur l'art oratoire. Et ça va être ma première question, est-ce qu'un bon avocat est avant tout un bon orateur ? Ça, c'est une vaste question. Je pense qu'il faut être capable, par sa capacité à parler, de mettre en avant des arguments. Mais qu'il ne suffit pas d'être bon orateur pour faire un bon avocat. et que en réalité la qualité première, je pense que c'est la capacité à trouver le moyen juridique d'abord, mais aussi le moyen dans son dossier qui va permettre de voir les choses de manière différente. Et donc du coup ça peut rejoindre une capacité à parler, mais je connais énormément de gens qui parlent bien mais qui sont de très mauvais avocats. D'accord, mais un bon avocat parle bien en principe. Oui, en principe, on est quand même dans une sphère, surtout dans la matière pénale en réalité, où on a l'oralité des débats. Et donc, on doit être capable d'attirer le juré populaire, les juges professionnels, vers nos arguments. Ensuite, la question qui est très vaste, c'est qu'est-ce que ça veut dire bien parler ? C'est vrai. Et là-dessus, on est sur une pente assez rigolote, parce que vous voyez que dans tous les campus, dans tous les journaux germent l'idée qu'on est dans le temps retrouvé de l'éloquence, des concours d'art oratoire, etc. Et je pense que les gens ont tendance à beaucoup confondre l'éloquence, l'art oratoire, avec le fait de bien parler. Ce que j'entends par bien parler, ça veut dire bien argumenter. Oui, ce sont deux choses distinctes. Et voilà, donc on mélange un petit peu ce qui est du stand-up qui fait rire, avec ce qui est une parole, je dirais, comme une arme, en réalité, qui peut changer les choses, le destin de quelqu'un, une parole bien utilisée, comme c'est le cas sur votre radio. Merci à ne pas confondre, en la effet. La flatterie qui fait du bien dès le début de l'émission. Là. C'est ce qu'on appelle en rhétorique la captatio benevolentiae. Ça veut dire quand on ouvre un discours, il faut toujours s'attirer la sympathie du public. Voilà, vous avez un exemple de rhétorique. En plus, en latin. C'est rare, c'est même c'est-à-dire sur cette que ça a été écrit en latin il y a 3000 ans, donc à l'époque, ils ne parlaient pas l'anglais. Mais oui, c'est vrai que c'est une vieille recette. Non, bon, on vient d'apprendre effectivement que la parole est importante, le métier d'avocat, mais ce n'est pas comme chez les politiciens, parce que là, c'est très marrant, parce qu'on pouvait faire le parallélisme entre ce que vous venez de dire et le film sur Churchill qui vient de sortir. Les heures sont. Les heures sont, exactement. Où justement, Churchill s'en sort à chaque fois de la meilleure des façons, parce qu'il a un art oratoire qui est magnifique. D'ailleurs, un des membres de son cabinet dit à la fin lors de son dernier discours avant le début complet de la guerre, il dit il a mobilisé la langue anglaise et c'est elle qu'il fera débarquer sur les plages de France. Et c'est très drôle parce que finalement aujourd'hui, beaucoup je pense, comme vous dites, sur les campus sont persuadés qu'il suffit de bien parler pour pouvoir sont convaincus de posséder l'art oratoire, alors que c'est quelque chose qui est éminemment complexe à s'approprier, qui nécessite une grande culture, et que surtout ça ne fait pas tout, le bon verbe ne fait pas la bonne robe, quoi. Est-ce que, Antoine Veil, est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un jeune de se lancer dans le métier d'avocat ? J'ai envie de dire oui et non. Alors, c'est une réponse tout à fait Sciences Po, ça, qui convient pas justement très bien à la rhétorique. Mais oui, c'est difficile parce qu'on est dans un univers assez concurrentiel, dans lequel beaucoup de gens aspirent aux mêmes choses, dans lequel on fait croire beaucoup à une forme de démocratie qui permettrait à chacun de réaliser tout ce qu'il veut, mais dans lequel il y a quand même beaucoup de blocages sociaux, culturels, de sexe, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est des considérations un peu sociologisante qui marche quand on réfléchit à la masse, mais qui ne marche pas quand on veut parler d'un destin individuel. Et en réalité, la chance que j'ai eue en ce qui me concerne jusqu'à présent, et je touche le bois de la table qui soutient le micro, c'est que j'ai toujours pu précisément faire ce dont je rêvais. À partir de là, est-ce que je suis l'incarnation de quelqu'un qui bénéficiait de tous les critères sociaux pour réussir ? Je crois pas. Donc je suis juste quelqu'un qui démontre que quand on souhaite quelque chose et qu'on a un petit peu de chance, voire même énormément de chance, on peut y accéder. Et donc je dirais à tous les gens qui nous écoutent qu'il ne faut pas blâmer les superstructures. Il faut plutôt se demander comment est-ce qu'on arrive soi-même à se modifier, à se véhiculer et à finalement toucher du doigt ce qu'on a envie de faire. Et je pense que le vrai problème, pour être simple, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, ne sachant pas ce qu'ils veulent faire, ils attendent d'autres qu'on leur tende une perche, qu'on leur dise « tu vas réussir, tu vas être le premier, tu vas être le meilleur ». En fait, moi, je vois ça beaucoup au cabinet. Il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que je sais que, vu que c'est ce qu'on doit vous souhaiter, des stages, des CDI, etc., il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « moi, je voudrais être avocat pénaliste, je voudrais plaider, par exemple ». Alors, je dis « très bien, mais est-ce que ce qu'on fait quand on est avocat pénaliste t'intéresse ?» En fait, ça l'intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que il voudrait être Van Gogh, mais peindre, ça l'intéresse moyennement. Je pense qu'on est dans cet rapport inversé des choses, mais qui correspond aussi à l'entrée dans la vie adulte. On n'est pas obligé de tout savoir, de tout connaître et de se connaître soi-même. Donc c'est là où il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la chance des rencontres. Et donc, en fait, pour réussir, à mon avis, faut forcer les rencontres, faut ouvrir les portes, faut aller voir les gens, faut regarder en fait qui vous impressionne, ce que vous voulez faire et essayer de les rencontrer. Vous avez dit au début de votre réponse que c'est un milieu assez concurrentiel, les avocats, et souvent on a une image un petit peu caricaturale des avocats qui gagnent bien leur vie, qui jouit de privilèges d'une profession assez protégée, et pourtant si on regarde la réalité, notamment il y avait la nouvelle bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris qui expliquait dans le Figaro récemment que un tiers des 30 000 avocats parisiens gagnent l'équivalent du SMIC. Comment vous expliquez cette distinction entre la réalité et l'image qu'il y a autour des avocats? Il y a toujours une distinction entre l'image et la réalité. Tout le temps, dans tous les éléments qui sont véhiculés précisément par l'image. Dans votre chronique de départ, vous évoquiez le fait que certains médias maintenant veulent se donner le temps de réfléchir, de présenter des images qui sont peut-être justement moins caricaturales que ce qu'on voit. Comment vous connaissez les avocats? Parce que vous avez vu des séries américaines dans lesquelles on voit un avocat avec une cravate et un pince-cravate avec des cheveux gominés. Puis 10 000 euros de salaire aussi. Voilà, bon, c'est évident. Mais que connaissez-vous réellement du métier d'avocat? Qu'est-ce que les citoyens qui n'ont jamais connu la justice connaissent de la justice? Comme on connaît rien des hôpitaux, en réalité, ce qui est assez... Tout est relatif, alors. Ah oui, tout est relatif. Surtout avec la culture américaine. On a des images d'Épinal dans l'esprit. Elles sont des fois très positives parce qu'elles nous aident à vivre. L'amour, la relation, etc. C'est des images hollywoodiennes qui n'existaient pas il y a 100 ans. Hein. Mais globalement, elles n'incarnent pas forcément la réalité. Alors oui, la réalité, c'est que énormément d'avocats vivent très mal. Et que quand on embrasse une profession d'avocat, c'est une profession libérale dans laquelle on ne cherche pas la sécurité de l'emploi, si vous voulez. Donc voilà, c'est ça qui me fascine dans ce métier. C'est la raison principale pour laquelle je suis très heureux d'être avocat. C'est le fait que je ne sais pas ce que je serai dans 30 ans. Et que du jour au lendemain, je peux devenir très riche ou très pauvre. Donc je suis très, très, très rétif et je militerai jusqu'au bout de mon dernier souffle pour qu'on n'encadre jamais ça. Je pense qu'on tue la beauté de la liberté d'être avocat à partir du moment où on veut encadrer tout, comment on doit nous rémunérer, comment sont calculés nos honoraires, etc. Et je trouve que c'est un des derniers métiers où on est vraiment libre. Voilà. Vous travaillez avec une grande figure du barreau, Maître Dupond-Moretti. Comment se déroule votre collaboration avec lui? Est-ce que vous partagez les dossiers? Comment ça se passe? Vous êtes plus jeune que lui? Comment est-ce qu'il vous a accueilli? Est-ce que c'est dans la réalité autant la grande gueule que celle qu'on voit dans les médias? Non. Enfin, c'est pas encore une fois caricature. Oui, enfin c'est la grande gueule qu'on voit dans les médias, mais il en joue aussi. Bien sûr, mais parce que c'est quelqu'un qui a ce physique, cette voix, cette façon d'être, qui est très entier, qui se réalise beaucoup dans le conflit, mais c'est assez rigolo parce que je lisais ça d'un personnage public dont on disait que c'était quelqu'un qui était très tranché et que c'était ça qu'il avait fait sortir par rapport à des gens qui ont un caractère de notaire blafard conciliant. C'est vrai que il peut paraître remuant. Parfois un peu violent dans sa façon d'agir, mais bon, après, si on doit faire des confidences dans ce micro, je vous dirais que c'est quelqu'un de très gentil, très attentionné, on ne devient pas avocat pénaliste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a plaidé, il faut le comprendre, plus de 1500 fois aux assises. Si vous prenez le deuxième du peloton, s'il a plaidé 500 fois, c'est déjà beaucoup. Donc il est vraiment, vraiment dans une d'ailleurs, c'est ce qu'il décrit dans son livre « Bête noire ». C'est presque un sacerdoce pour lui. Et donc, en fait, quand on s'investit autant dans le fait de défendre des gens, c'est que, d'une certaine façon, on est pas mal, quoi. Après, moi, je suis pas l'avocat d'Éric Dupond-Moretti. Et ma collaboration avec lui, comme vous le dites, elle se déroule sous les meilleurs auspices. Pourquoi? Parce que, justement, on est très, très différents. Et assez rapidement... Et complémentaires, donc. Oui, parce que, voilà, assez rapidement, de toute façon, j'ai compris que j'étais pas un mini Dupont. Vous aviez votre place à part. En tout cas, j'essaie de créer quelque chose à mon échelle qui s'inspire de tout ce que j'ai appris des uns et des autres, mais qui ressemble à ce que moi j'ai envie de faire. Mmh. Et ça, c'est aussi une étape dans la vie, en fait. Je pense que pendant un temps, faut être étudiant, faut se façonner, faut se construire, et puis il y a un moment qui arrive dans la vie, qui arrive plus ou moins vite en fonction des caractères, où on a envie de faire ce qu'on est, en fait. Mmh. Et j'arrive doucement et sans me presser à ce moment-là. Mmh. Robin, je crois que tu avais notamment sur les expériences d'Antoine Veil, des questions notamment sur le procès Mera, je crois. Ah oui, bah, je voulais savoir comment vous l'avez vécu, ce procès, qui était quand même très médiatisé. Les propos de Maître Dupont de Moretti ont été très discutés, notamment après son passage sur France Inter. Est-ce que vous pouvez simplement nous raconter comment vous avez vécu ça de l'intérieur, au sein du cabinet de Maître Dupont Moretti? Bah, quand on est un avocat, si vous voulez, déjà, ce qui est assez rigolo, c'est que tout le monde vous pose la question: comment vous pouvez défendre quelqu'un comme Abdelkader Mera? Bah, c'est une question qui... Ce qui n'était pas ma question. Non, je comprends, mais je vais y venir, parce que c'est ça qui fait l'intérêt de comment je l'ai vécu. En fait, c'est comme si vous demandiez à un médecin est-ce que ça vous intéresse d'opérer une opération à cœur ouvert extrêmement complexe? Et donc la réponse est qu'on est fasciné par la possibilité qu'on a en tant qu'avocat de rentrer dans un procès qui, de toute façon, est un des grands procès de cette année, voire même un grand procès des 5, voire 10 dernières années. Pourquoi c'est un procès intéressant? Parce que d'abord, il pose une question de fait qui est déterminante pour des victimes. Et là, contrairement à d'autres procès, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a ou non des victimes. Il y a des victimes, des gens qui ont perdu leurs enfants, des gens qui ont perdu leurs petits-enfants, et qui sont dans une communauté avec tout le monde, parce qu'ils n'ont pas été frappés pour une raison ou une autre. Ils ont été frappés par le hasard et par leur appartenance à la confession juive, ce qui choque absolument tout le monde. Donc on est face, si on est dans une complicité, à un acte qui est, à proprement parler, totalement indéfendable. Mais le procès pose une deuxième question, c'est qu'on défend quelqu'un qui se dit innocent et qui, en réalité, a beaucoup de moyens de défense pour faire reconnaître cette innocence. Et donc, se transpose à la problématique classique du procès un autre problème, qui est est-ce qu'on va pouvoir juger cet homme dans des conditions optimales de justice? C'est ce que dénonçait Maître Dupont-Moretti. Il disait que ce procès ne se déroule pas comme se déroulent les autres procès. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments en raison du nombre de victimes, du caractère terroriste des accusations, de la présence de la presse, de justement ces caricatures qui existent partout, parce que qui connaît le dossier Mera? 117 tomes de procédure, nous on a 4 personnes qui travaillent à temps plein au cabinet pendant 6 mois pour juste le comprendre. Donc qui le connaît? Personne. Et nous sommes avocats, et donc nous avons le devoir de porter une parole que personne n'a envie d'entendre. Et en ce sens-là, c'est assez fascinant. Après, il y a plein de choses à vous en dire, mais il y a aussi l'attelage qu'on a formé dans notre cabinet pour justement défendre ce client-là, et qui est humainement... Pourquoi défendre ce client-là? C'était quoi? C'est pour la gloire? C'était non. Pour la défense du droit? Oui, c'est... C'est l'argent? Non, l'argent, non. Là, pour le coup, malheureusement, c'est pas l'enjeu. Le client, d'abord parce que c'est notre métier. Vous seriez prêt à défendre n'importe qui? Non. Non. Et donc, quelles seraient les limites pour... Vous voyez, par exemple, ça c'est intéressant, je l'ai expérimenté pendant le procès Mera. Mmh. Quand on est avocat pénaliste ou jeune étudiant, on se dit que si on rentre dans cette logique, tout est défendable, on peut rhétoriquement trouver des arguments qui vont nous permettre de défendre n'importe qui, n'importe quand. C'est à peu près vrai, c'est-à-dire qu'on peut défendre un révisionniste s'il ne vous demande pas de défendre le révisionnisme. C'est assez simple. Mais il y a quand même des actes qui peuvent exister dans la nature, et qui me paraissent, en l'état de ma réflexion actuelle, assez complexes à défendre. Je vous donne un exemple. Il a été dit que, pendant le procès, certains des gens qui sont des terroristes, notamment Mohamed Mera, visaient les enfants avec son arme. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, des rationnels, en fait, des explications à chaque crime. Le viol répond à une aspiration pulsionnelle, le vol à bras, main armée, c'est pour gagner de l'argent. On peut comprendre, en fait, la logique criminelle de quasiment tous les criminels. Mais c'est vrai qu'il y a des logiques qui, moi, personnellement, dans mon éthique personnelle, tirer sur des enfants, c'est quelque chose que j'aurais du mal à défendre. À partir de là, je pense qu'il faut savoir si c'est éthique, dans sa propre éthique, savoir dire je ne vais pas défendre cette personne de la meilleure façon possible et peut-être renoncer à certaines causes en dépit des sirènes médiatiques que ça peut poser. Donc moi, en réalité, j'aurais du mal à défendre ça et j'aurais du mal à comprendre la logique de quelqu'un qui fait ça. Donc oui, par exemple, tirer sur des enfants à l'arme lourde me paraît, en les visant, me paraît être un acte qui me poserait un cas de conscience. Voilà, j'ai jamais eu dans la pratique à me poser cette question, mais c'est une question qui m'embêterait. Et donc, je pense pas qu'on puisse répondre à la légère quand on est avocat, on se doit défendre tout. Oui. Je vais rappeler un petit peu quand même le verdict de ce premier procès. L'avocat général a réclamé la prison à perpétuité pour Abdelkader Mera. Il a été condamné finalement à 20 ans de réclusion criminelle. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a été jugé coupable d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mais sa complicité avec son frère dans les attentats, dans les tueries, n'a pas été reconnue. Alors le parquet général a fait appel, donc il y aura une suite. Mais en tout cas, c'est un verdict qui a provoqué la colère des familles de victimes. Est-ce que vous comprenez cette colère? Notamment, on se rappelle, Maître Dupond-Moretti qui a été sifflé. Est-ce que, voilà, même si vous n'êtes pas du côté des victimes dans votre travail, est-ce que vous comprenez qu'il y a cette colère? Attendez, il ne faut pas confondre les victimes et les espèces de fous furieux, radicaux, instrumentalisés, complètement débiles, qui sont venus siffler à la fin de l'audience et qu'on n'a pas vu une seule fois pendant tout le procès. Et qui, le lendemain, devaient être dans la tribune du Paris Saint-Germain pour faire exactement la même chose et qu'ils sur le lendemain devait être à un autre endroit. Il y a eu quand même les victimes. Mère du premier soldat tué par Mera disait notamment à la sortie du procès, on est trop naïfs en France, il faut qu'on se réveille pour protéger notre pays, pour protéger nos enfants. Déjà, c'est plus constructif que siffler un avocat et je pense que justement les victimes doivent ne pas se faire assimiler à des gens qui ont des comportements stupides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune des victimes dans ce procès qui a eu un comportement outrageant et qui n'a pas respecté ce que c'était un avocat. Et tout à l'heure, peut-être qu'on parlera du procès de M. Georges Tron, où là, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on arrive dans des ambiances qui sont totalement impossibles. Toutes les victimes ont assumé ce qu'est le système démocratique, lequel suppose la faculté d'avoir la possibilité d'être défendue. Donc toutes les victimes, et je le dis très clairement dans ce procès Mera, ont été d'une certaine façon exemplaires. Parce que si on perd son petit enfant, si on perd sa famille, on a le droit à tout. On a le droit de pas comprendre comment fonctionne le système, on a le droit à la vengeance, on a le droit à péter un câble, on a le droit à insulter, on a le droit à tout. Donc moi, je suis pas le juge des victimes. Leur colère, leur réaction. Non mais attendez, qui comprend pas la colère de quelqu'un qui perd son petit-fils et son fils devant ses yeux? Enfin, je veux dire, ça serait pas être humain de pas la comprendre. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on gère cette colère? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment le procès pénal organise la place d'une victime? C'est vrai que je ne suis pas le plus grand partisan du fait d'expliquer à des gens que quand on passe un mois à l'audience à regarder celui qui a tué vos enfants, ça va aller mieux à la fin. Et même si on lui colle 30 ans, perpétuité, tout ce que vous voulez. Je ne crois pas à la fonction cathartique du procès pénal. Je pense qu'il y a une idéologie qui est en train de se mettre en place qui est totalement grave, que les pouvoirs publics devraient s'en emparer. Et c'est justement l'idéologie qui consiste à vouloir placer la victime au centre du procès pénal. Il faut respecter les victimes, il faut les écouter, il faut les accompagner, parce qu'il y a des situations dans lesquelles, à part les accompagner, il n'y a pas grand-chose à faire. Désolé, mais le fait de sanctionner quelqu'un ne va pas réparer nécessairement le préjudice. Moi, je comprends tout ce qui vient des victimes, en fait. D'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est parfois ce qui vient de leurs avocats, ce qui vient d'associations qui se disent représenter des victimes, mais sans aucune victime qui les a désignées. Si vous voulez, si on parle des grandes tendances de la justice tout à l'heure, c'est quand même un des problèmes fondamentaux de notre système pénal. Maintenant, moi, je vais vous dire que je n'ai que de la compassion pour toutes ces victimes. Quant au délibéré, pour le décrypter parce que ça me paraît fondamentalement important et vu que vos auditeurs veulent se donner le temps de bien comprendre les choses, on va essayer de leur expliquer les choses bien. Clairement. D'abord, Abdelkader Kamara a été acquitté du chef de complicité d'assassinat. Mmh. Ça veut dire que la cour n'a pas trouvé que dans le dossier et dans l'audience qui s'est déroulée, on avait suffisamment de preuves pour pouvoir dire qu'il a non seulement fourni une aide et une assistance à Mohamed Merah, mais plus largement qu'il était informé de son projet criminel. Et ça, c'est une vraie victoire parce que depuis le début de cette affaire, on essaie de dépeindre dans l'accusation Abdelkader Merah comme l'acolyte de son frère dans ces projets-là meurtriers et criminels. La deuxième chose, c'est qu'il est condamné pour ce qu'on appelle une association de malfaiteurs, mais qui n'est pas définie comme étant une association de malfaiteurs avec son frère Mohamed Merah en vue de commettre les attentats de Toulouse. C'est une association de malfaiteurs beaucoup plus large qui ferait, pour être simple, de lui un membre d'Al-Qaïda. Et donc, d'une certaine façon, on a fait établir quelque chose qui nous paraissait important, c'est que Abdelkader Merah n'a pas une responsabilité directe dans la mort des gens qui ne sont plus là, mais qui étaient représentés dans ce procès. Et donc, on était finalement plus en face des victimes. On était en face d'une autre question qui est comment réprime-t-on des gens qui ont des vues très radicales et qui peuvent potentiellement mettre en péril le danger du territoire. C'est une question intéressante, mais qui n'a rien à voir avec la complicité d'assassinat. Et donc, même quand on parle d'association de malfaiteurs à visée terroriste, les gens pensent que ça veut quand même dire qu'il a été condamné pour une complicité avec son frère. Non, pas du tout. Mmh. Et donc, ce procès, moi, il n'y a pas... Je suis pas. J'essaye. Vous savez que le principal défaut de l'avocat, c'est la vanité. Donc j'essaie de ne pas me réjouir d'un délibéré en disant, comme quelqu'un de vaniteux, on a obtenu ci, on est content, on n'est pas content. On s'en moque de savoir si on est content. Moi, je suis. Je fais un travail et je vois que une certaine partie de ce travail a porté par rapport à des juges, et c'est ces juges qui ont rendu cette décision. Je m'en félicite pas, sauf sur la forme, parce que je dois dire qu'il y a quelque chose de formidable, c'est que ça a été motivé en fait et en droit, ce qui est assez rare aux assises, et que ça a été rendu dans des conditions qui, vu la tension médiatique et le chagrin des victimes, étaient quand même assez difficiles. Et ça a été rendu dans des conditions dignes. Voilà. Après, il y a un appel, ça va recommencer. Ça va recommencer, bien sûr. Vous parlez de cette idéologie qui était radical. Est-ce que, justement, en allant au-delà des victimes et d'un point de vue national, vous comprenez que ça puisse choquer dans un contexte où on se dit qu'il y a une idéologie contre laquelle on doit lutter, la guerre contre le terrorisme est parfois aussi une guerre idéologique, et que donc les gens se disent que ce n'est pas forcément un bon signal qu'on envoie. Oui, alors vous me dites toujours... C'est ça, en fait, c'est une question de message. Non, mais c'est qu'est-ce qu'on fait du message. Vous me dites toujours, vous comprenez, mais attendez, je comprends exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'ai un bulletin de vote, je vais voter, j'ai une famille, je me pose la question de l'avenir de mon pays de la même façon que tout le monde, donc je comprends tout en fait. La question, je pense, c'était plutôt, est-ce que vous êtes conscient qu'effectivement par le message que renvoie la justice, je suis conscient aussi, mais ce que vous demandez, c'est je le comprends parfaitement, mais j'incarne une forme de contre-pouvoir là-dedans qui invite à regarder les choses aussi d'une autre façon, pas dans la caricature et dans le caractère univoque d'une réflexion que je comprends puisque j'y adhère en fait. Moi, je suis contre la violence, je suis pour que les gens à qui on fait mal puissent être entendus dans un tribunal. Enfin, toutes ces choses, on est tous d'accord en fait. Mais j'ai aussi la responsabilité de défendre quelqu'un qui se dit innocent et de veiller à ce qu'il ait le droit d'avoir un procès équitable. Et bien justement, on va essayer de continuer à débattre sans caricature comme ça. Tout au long de notre deuxième partie, nous allons réfléchir aux évolutions du monde de la justice. Avant, c'est notre première pause musicale. Oui. Arthur, qu'est-ce qui est au programme? Et bien, un titre fraîchement sorti la semaine dernière, donc un titre que l'on pourrait qualifier de français, de quota français, donc c'est Bambola de Bétalémé, c'est uniquement sur Webset Radio. Voilà, c'est moi qui ai choisi, pour une fois ça change de d'habitude. Allez, à tout de suite. J'ai pas suivi. Son cœur. Je sais que l'amour n'est pas facile pour Sur Webset Radio pour la suite du 97e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons l'avocat Antoine Veil. Et justement, ces jours-ci, les avocats sont en colère contre la réforme de la justice que propose la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Ils craignent notamment la réforme de la carte judiciaire qui pourrait limiter le nombre de tribunaux à un seul par département. En réalité, depuis plusieurs années, avec la numérisation, l'hypermédiatisation, l'ubérisation, la politisation du débat, c'est tout le monde de la justice qui est en pleine évolution. Alors que penser de ces évolutions? Quelle justice pour demain, nous les jeunes? C'est notre grand débat. Le grand débat, l'heure de vérité. Notre époque est traversée par l'hypermoralisation de tout, la transparence, l'hygiénisme et le victimaire. Ces grands défauts se retrouvent dans le comportement de certains juges. Ils ont tué le secret professionnel fait pour protéger les justiciables. Voilà les mots de Maître Dupond-Moretti sur France 3 en février dernier suite à la publication de son livre « Direct du droit ». Avant d'ajouter à propos de la présomption d'innocence, c'est un principe constitutionnel qu'on a du mal à mettre en œuvre. Ces propos, bien sûr, sont loin de faire l'unanimité, notamment chez les magistrats. Mais il révèle une évolution évidente de la justice, marquée par l'hypermédiatisation, la numérisation et souvent des tensions entre avocats et magistrats. Alors quelle justice pour demain? Comment évolue notre système judiciaire? C'est notre grand débat et ce sera sûrement l'occasion d'évoquer de nombreux dossiers d'actualité comme la pénalisation du harcèlement sexuel, le projet de loi sur les fake news ou même l'affaire Fillon. Je crois que Robin a beaucoup de questions là-dessus. Mais, Oui, beaucoup. Ouais. On va laisser la parole à Robin pour commencer. Non, je voulais commencer par vous poser une question à propos justement des déclarations récentes du président de la République sur notamment la grande loi pénale qui nous prépare. Vous, en tant qu'avocat, quelles sont vos attentes de ces lois? Parce que bon, le président de la République a fait un exercice politique tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il a annoncé beaucoup de choses tout en n'annonçant pas rien, en fait, finalement. En fait, on sait qu'il va y avoir une grande réforme, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Vous, quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'avocat? Bon, moi, déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas un homme politique. Donc, je n'ai pas de grande réflexion sur comment organiser notre société. Je ne fais pas d'effet d'annonce. Mais vous avez pas l'expérience de... Non, j'ai pas. J'ai l'expérience d'un avocat qui, tous les jours, prend son petit scooter, va au palais, voir des juges, et qui, comme on vient de se le dire, d'ailleurs, a cœur de lever un petit peu tous les fantasmes... Et les caricatures. La première caricature, c'est l'opposition magistrat-avocat. Il n'y a pas d'opposition magistrat-avocat. Il y a une opposition entre des gens qui veulent que les choses soient faites dans certaines formes, et puis des gens qui, globalement, trichent, mentent, sont feignants, sont injustes, sont humainement détestables. Et ceux-là, qu'ils soient avocats ou magistrats, on a toujours à cœur de les critiquer, et c'est tout à fait normal. Et on critique critique autant les avocats que les magistrats. Ce qu'on critique, c'est des dérives, des comportements individuels qui polluent en réalité l'image de ce que doit être quelqu'un de robe. On dit souvent, vous savez, le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur de la fonction qu'on entend exercer. Malheureusement, c'est assez vrai parce qu'on est dans une justice qui est une administration avant tout. Et donc, ce que dit un petit avocat quand il est tout seul, c'est qu'il y a des problèmes administratifs, en fait, qui se posent. Et que parfois, la justice n'est pas à la hauteur. Voilà. Est-ce que vous pensez, justement, en parlant de hauteur, que la volonté du président d'une réforme à minima, je le cite, du statut de magistrat pourrait régler ces problèmes de personnalité ou d'ego? Non, je ne pense pas qu'une réforme à minima va régler quoi que ce soit. Il y a des réformes vraiment très lourdes, d'ampleur, de réflexion qui devraient être prises. Est-ce qu'il faut supprimer le juge d'instruction? Est-ce qu'il faut être pour ou contre la responsabilité des juges? Est-ce qu'on doit élire les membres du parquet comme dans certaines démocraties? Est-ce qu'on doit séparer l'autorité du parquet, du siège? Est-ce que les magistrats du parquet sont des vrais magistrats? Ça, c'est des questions qui sont lourdes en réalité et qui dépassent le fait de savoir si, et je m'en réjouis par ailleurs, on va pouvoir accéder à son petit dossier numérique. Voilà, il faut quand même savoir qu'en matière pénale, j'ai compris que ça ne serait pas avant 2022. Donc, toutes ces évolutions, on est à faire, je pense toujours à l'expression d'Allègre, le mammouth. Mais le mammouth, c'est pas que l'éducation nationale, c'est en fait, on est dans des choses qui sont maintenant de l'ordre de l'organisation collective. Je pense pas que même quelqu'un qui a une vraie volonté politique puisse aujourd'hui, dans notre système, bouger les lignes. Alors, je me réjouis parfois de certaines mesures qui sont annoncées. Par exemple, vous voyez, il y a la mesure qui dit qu'on va mettre une ligne téléphonique fixe dans les cellules. Bah, vous m'auriez interrogé il y a 6 mois, je vous aurais dit, mais ça n'arrivera jamais. Finalement, il y a des petites percées comme ça, sur des terrains qui sont un petit peu symboliques, mais qui me paraissent quand même intéressants. Et je pense que tous les citoyens, en fait, que ce soit par rapport à la justice, à l'économie, à la santé, sont en ce moment même sur une espèce de ligne de crête assez intéressante. Soit on change les choses et on arrive à mettre du mieux dans la vie des gens et on va éviter quelque chose de grave qui s'appelle la guerre, en fait. Soit on se ment, on fait rien, on continue à vivre sur tous nos acquis, sur la façon, et là on va avoir des gros problèmes. La tension latente que je constate par mon prisme de petit avocat est énorme. Les gens aujourd'hui ne comprennent plus pourquoi telle chose se passe comme ça, comme si, et deux, ne sont plus prêts à l'accepter. Donc je ne suis pas homme politique, mais j'invite vraiment les hommes politiques à comprendre l'état de colère qui est l'état en même temps d'optimisme qu'ont les jeunes, qu'ont ceux qui veulent bouger les choses. Et donc il a, M. Macron, de vrais relais pour mettre en place des choses. Donc je lui dis. Vous pensez qu'il a compris les enjeux de la justice, comme a dit maître Guillaume Janson récemment? Non, je pense pas. Je pense que malheureusement, c'est pas son fort, la justice. C'est quelqu'un qui est plus versé, je pense, dans l'économie, dans les enjeux institutionnels, etc. Et c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, je pense qu'on n'a pas d'homme politique très très formé sur les enjeux de la justice. Ou alors on a des juristes comme notre ministre actuel qui sont des grands juristes, mais qui sont peut-être pas des très bons politiques. Et donc, il nous manque quelqu'un qui est capable de porter l'enjeu de la justice. Et puis après, c'est des aspirations un petit peu politiques, pour le coup, dans lesquelles je ne rentre pas. Mais je pense qu'on a des grandes réformes d'ampleur. Je vais vous dire, je suis assez pessimiste sur notre capacité à les conduire. Mais elles m'intéressent, elles me fascinent. Et c'est une longue, longue, longue réflexion. Vous voyez, par exemple, l'image, puisque je pense que c'est principalement des auditeurs jeunes qui nous écoutent. Si vous regardez la série The People versus O.J. Simpson, qui est une série extraordinaire sur ce joueur de football américain qui est jugé aux États-Unis, accusé du meurtre, etc. De sa femme. Vous voyez les différences, parce que cette série, elle a le mérite d'être vraiment réelle. Elle a les discours réels, des acteurs qui ressemblent aux vrais, il n'y a pas trop de scénarisation. Et vous voyez comment la justice américaine est organisée. On filme les audiences, il n'y a pas de juge d'instruction, il y a un parquet, il y a une défense, un jury qui est en retrait, il n'y a pas de président des assises, donc c'est très différent de notre système. Ce qui est un peu triste, c'est que malheureusement, je pense que 80% des citoyens pensent que notre justice fonctionne un peu comme ça. Sur le modèle américain, oui. C'est totalement différent. Et alors, après, vous pouvez avoir la réflexion un peu en domino, en vous disant, bah tiens, regardez, par exemple, dans le procès Tron, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de téléviser tout ça ? Comme ça, tout le monde se comporte sur son 31, je veux dire, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus machin. Mais si vous télévisez, si vous rendez en direct la justice, ça veut dire qu'il faut tout changer. Il faut qu'on change les salles d'audience, il faut qu'on change notre façon de prendre la parole, il faut qu'on change tout. Et donc, pourtant, les procès pénaux sont censés pouvoir être accessibles au public. Quand même. Oui, mais ils ne sont pas... regardez, on a voté une loi il y a quelques temps qui disait qu'ils devaient être enregistrés. Non pas enregistrés pour être diffusés, mais juste pour les archives, pour plus tard. On n'a pas été foutus d'enregistrer les débats et au bout de 6 mois, on a dit, pardon, on n'a pas le matériel pour enregistrer. Et au bout d'un an, on a renvoyé la loi et on a dit, non, mais finalement, on le fera plus tard. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, c'est comme dans toutes les entreprises. Il faut arrêter de se mentir. C'est 1% du PIB qui est consacré à la justice. Dans des pays comme l'Angleterre, c'est 5%. Donc vous faites pas, vous avez beau avoir les tout ce que vous voulez, les meilleurs des gens, etc. Il y a une question de moyens. Vous vous construisez pas des avions. Il y a pas assez de moyens aujourd'hui dans la justice. Non, bien sûr qu'il y a pas assez de moyens. Non, mais c'est pas qu'il y en a pas assez. C'est qu'il y en a même pas le commencement du début du nécessaire pour envisager de réformer quoi que ce soit, en fait. Donc, à partir de là, il y a une vraie discussion qui se pose sur le plan démocratique, qui est assez intéressante, qui est de dire qu'est-ce qui est important. Parce que je pense que, en fait, les citoyens, quand même, c'est assez difficile, et encore une fois, je ne fais pas de politique, hein, mais je veux dire, les citoyens se disent, mince alors, on ne peut pas continuer à toujours dépenser plus, à creuser la dette, etc. Ça, on commence à se le dire. Donc, on se dit, on a un budget maintenant, c'est le budget de l'État, on ne va pas aller encore emprunter, etc. Donc, il va falloir le dépenser. Et comment on le répartit ? Qu'est-ce qui est important pour les Français ? L'éducation, ça c'est sûr. La santé, c'est sûr. Et la santé, c'est quand même des domaines dans lesquels, malheureusement, on veut soigner les gens de mieux en mieux, donc il faut de plus en plus d'argent. Et puis ensuite, il y a d'autres domaines, la culture, etc., etc., l'armée, et la défense, et l'intérieur, et etc. Et puis on arrive sur la question de la justice. Et moi, je dis toujours, ce qui est assez rigolo, c'est que la justice ne vous frappe que quand vous y êtes confronté. Heureusement, pour 80% des gens, la justice est une idée lointaine. Ils ont lu Albert Camus et puis ils se disent que ça doit être ça. Ils regardent Maigret, des images, et je leur souhaite de jamais être confronté à ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même des états de fait qui sont quand même fous. Vous avez un problème dans la vie. Moi, je suis obligé d'expliquer à mes clients que je pourrais pas de toute façon avoir une décision de justice avant 2, 3, 4 ans. Donc, on a des difficultés et des réflexions fortes à mener. Je ne sais pas qui les mènera. Je suis, je le dis sur votre antenne, disponible pour les conduire. Je crois que c'est un chantier d'ampleur qui ne verra le jour que quand on aura les moyens de le faire et le temps aussi de le traiter. Donc, finalement, vous avez un avis sur la fond. On l'a eu, finalement, votre avis. C'est une belle réponse. Dans les grands chantier à mener, il y a le chantier de tout ce qui concerne le numérique et notamment les réseaux sociaux. Et dans le cadre de l'affaire MeToo, Balance ton port, il y a eu beaucoup qui ont dénoncé un climat de délation où les réseaux sociaux seraient devenus les nouveaux tribunaux un petit peu. Est-ce que vous partagez cette inquiétude et, c'est votre parole d'avocat va être très précieuse. Comment on fait pour gérer... Comment on fait tout court, on peut dire. Comment on fait retrouvez un phénomène de dénonciation, délation de masse, qu'il se soit fondé ou non, comment on fait pour gérer cet afflux de paroles hors des tribunaux ? Comment on fait quand on est avocat pour gérer cet afflux ? Demain matin, je crée un profil, et puis je m'appelle le nom de... Maître Eolas. Non, Maître Eolas, c'est encore un faux profil. Mais demain matin, je prends votre nom. Mm-hmm. Et puis, ah oui, d'accord. Ouais. Et puis je me prétends vous, et je commence à contacter tout un tas de gens, et je commence à faire tout un tas de choses en étant vous. Mm-hmm. Comment vous gérez le problème ? Moi, je veux vous dire, vous ne le gérez pas, parce qu'il n'y a pas de régulation des réseaux sociaux. Mmh. Vous le gérez, vous faites quoi ? Vous envoyez un petit mail à Twitter ? Mais vous savez comment vous saisissez Twitter ? Vous savez où est-ce qu'ils sont, comment ils sont organisés aux États-Unis, la façon... Enfin, déjà, si vous n'avez pas 50 000 euros à mettre sur la table, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a eu quelque chose de formidable qui est Internet et qui a donné une liberté absolue à tout. Ça vous donne la possibilité d'être diffusé, la possibilité d'être entendu, etc. Ça donne aussi la possibilité aux gens des réseaux terroristes de le faire. Exactement. Ça pose une vraie question. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on reproche tout à tout le monde, mais jusqu'à présent, on n'a pas interdit en France ni à être salafiste, ni à partager des ondes dans lesquelles on arrive à convertir des centaines et des milliers de gens dans le monde. Donc, il y a une question question, mais qui est la question que tout juriste doit se poser, c'est celle de la régulation. Vous avez cité le problème de la présomption d'innocence. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui. Le vrai problème aujourd'hui, c'est comment sont réparées les atteintes à la présomption d'innocence. Si vous accusez quelqu'un et que ce que vous dites est faux, qu'est-ce que vous risquez ? Moi, je suis pour un système dans lequel les journalistes qui mettent en cause quelqu'un sans avoir regardé eux-mêmes les éléments de preuve pourraient être mis en cause professionnellement, mais de manière grave. J'ai défendu quelqu'un, en l'occurrence Monsieur Georges Tron. Je suis certain qu'aucune personne qui a évidemment un avis très éclairé sur la question n'a consulté son dossier. Je sais que personne ne connaît la réalité des accusations qui sont portées contre lui. Et donc avoir des opinions qui en réalité sont véhiculées par des gens qui eux-mêmes n'en ont pas parce qu'ils n'ont été... On sort du cadre juridique justement. Comment ? On sort du cadre juridique. Ben non, on devrait en réalité y rentrer complètement. On devrait se dire, désolé, vous avez une responsabilité, vous les amis qui globalement donnez votre avis à l'antenne, vous les journalistes qui devez informer le public, vous avez une responsabilité. Bien sûr. Et si vous dites quelque chose qui est inexact, si vous dites quelque chose qui met en cause quelqu'un de manière fallacieuse, on ne devrait pas être dans les problèmes de la loi de 1980, parce que là, on retourne dans la machine. Ça veut dire plainte en diffamation, 3 ans d'information, ça ne sert à rien, en fait, pour à la fin être condamné à 2000 euros avec sursis, mais ça vaut le coup. Si vous voulez diffamer des gens, allez-y, les amis, ça ne coûte rien. Donc, moi, je suis pour des procédures très rapides et avec une vraie responsabilité des gens qui se permettent de mettre en cause des autres gens sans preuve. Mais je pense que le problème, c'est qu'on est rentré dans un système qui est trop lourd et qui n'est pas assez réactif pour ce genre de choses. C'est ça, par rapport aux réseaux sociaux où l'anonymisation fait partie de l'essence même d'Internet, on est face à un problème, là, quand même. Vous m'avez dit qu'on pouvait dire des gros mots, alors je peux en mais dire quelques-uns. Mais bien sûr, bien sûr. Tant que c'est pas diffamant. Non, mais c'est pas diffamant parce que c'est justement contre des gens anonymes. Moi, quand on a défendu Mera, on a reçu, je sais pas, des centaines et des centaines de messages d'anonymes. Alors j'en ai un en tête, c'était « Je vous prie de me pardonner de vous le dire de cette façon, mais t'es un gros fils de pute. » Donc voilà, je reçois ça le matin en me levant, et ça c'est le plus acceptable de tous. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réguler ça. C'est un courrier. Excusez-moi, je relativise pas du tout, mais c'est un courrier qui est privé. Alors que sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut vous envoyer ça, une gabegie peut se fixer sur vous, et en quelques heures, vous pouvez passer de l'avocat qui n'a rien à se reprocher au pire des... je ne répéterai pas l'horreur que vous venez de dire, mais c'est, vous pouvez passer, votre statut peut tomber, votre réputation peut se briser sur l'allégation de gens anonymes. Non mais attendez, de toute façon, vous l'avez dit, c'est notre époque, on est à l'ère de la transparence là maintenant. Donc, si vous avez un compte planqué en Suisse, si vous avez violé quelqu'un, si vous avez des comportements, vous devez avoir compris assez vite que dans notre société actuelle, pour le bien ou pour le pire, je ne sais pas, ça va être assez rapidement identifié. Et donc finalement, on est dans une société de responsabilité où chacun va un jour ou un autre répondre de ses actes. La difficulté qui se pose c'est plutôt les gens qui sont pas mal intentionnés mais qui font une connerie. Les gens qui sont accusés de quelque chose sur les réseaux sociaux, puis on se rend compte qu'ils sont soit innocents, soit peut-être coupables, mais pas aussi fort, pas avec la même gravité que ce qu'on leur a allégué en premier temps. C'est-à-dire que là, on l'a bien vu avec des situations comme dans le milieu du cinéma, où on a accusé des gens qui, effectivement, on verra bien, vont se révéler sûrement coupables, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens, de ces personnes qui ont vu leur carrière se briser ou en tout cas être mis à mal alors qu'elles n'ont Et ben, quand pas on est quelqu'un comme vous et qu'on est éduqué et qu'on écoute votre superbe radio, on se dit que quand on est intelligent, on ne crie pas avec la meute. Voilà. Et la seule chose qui va permettre de sortir de tout ça, c'est l'éducation des gens et le fait qu'on arrive individuellement à avoir des comportements responsables. Et c'est pas facile, vous voyez. Moi, je connais des gens qui sont des gens très éduqués, très proches de moi et qui me font le reproche de telle ou telle position, alors qu'ensuite, quand ils sont mieux informés, ils changent d'avis. Et donc, finalement, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de mieux que la bonne information, la bonne éducation, faire confiance aux gens aussi pour comprendre comprendre les problèmes. Moi, je suis toujours étonné parce qu'on prend toujours les gens dans leur masse pour des imbéciles, mais les gens dans leur masse sont plutôt intelligents. La difficulté, c'est qu'on est toujours dans la dictature d'une minorité de connards globalement, ne comprennent pas grand-chose aux problèmes et du coup, crient beaucoup plus fort. Il y a une donnée que j'aime bien, que j'essaie au maximum de donner quand on discute sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a que au bas mot, enfin maximum 15% de la population qui est sur Twitter, ce qui n'est absolument rien. Twitter n'est absolument pas représentatif de ce que la France pense, de ce que les professionnels de certaines professions peuvent penser, et c'est quelque chose, je pense, qui doit être rappelé à une époque où les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance dans le débat public. Peut-être une dernière question avant de passer à une deuxième pause musicale. On a parlé un petit peu au début des juges, et vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas un politique, et souvent ce qu'on reproche à certains juges aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus politisé. On se rappelle notamment dans l'affaire Sarkozy, il y avait eu beaucoup de polémiques, on reprochait. Il y a justement, je voulais parler du mur des cons aussi. Est-ce que vous avez l'impression, en tant qu'avocat, vous qui êtes confronté de plus en plus régulièrement à des juges, que c'est de plus en plus le cas, ces juges politisés? Je peux pas parler d'expérience parce que j'ai pas connu d'autres époques que oui, la c'est mienne. Vrai. Donc mais je peux pas cas, vous dire si les juges sont. En ce moment, en tout cas. Non, mais je peux pas vous dire si les juges sont de plus en plus. Est-ce qu'ils le sont? Ils le sont. Oui, ils le sont. Mais après, pardon. Hein, c'est un peu comme toutes les. C'est un peu comme quand on dit les juges. Il y a des juges qui le sont. Et effectivement, quand un juge d'abord l'est, mais deux que son comportement le laisse paraître, on arrive vraiment à des dérives assez conséquentes et véritablement dommageable et très critiquable. Donc c'est ça qu'on critique. On critique pas les magistrats. Nous on adore les magistrats. On critique certains comportements inacceptables de magistrats qui instrumentalisent quelque chose qui est formidable et qui s'appelle la justice. Du coup, dernière petite question. Est-ce que alors je sais pas. Peut-être que vous allez me dire que il y a personne qui a été mis dans l'accusation. Mais est-ce que les auteurs du mur des cons auraient pu voir leur responsabilité engagée? Mais je crois qu'il y a eu leur responsabilité qui a été engagée. Et sur tous les terrains professionnels, syndicales, pénales, et que globalement c'est un comportement qui est tout à fait. Mais c'est à la fois inacceptable sur le plan juridique, mais c'est inacceptable sur le plan humain, j'ai envie de dire. On attend des gens qu'ils soient responsables, en fait. Donc on passe pas ses nerfs sur la détestation qu'on peut avoir sur un courant politique. Et c'est là où en fait le bât blesse, c'est que les magistrats doivent être des gens exceptionnels. Irréprochables. Donc ils doivent être irréprochables. Ça doit être des gens qui sont sélectionnés, pas uniquement quand ils sont jeunes sur la base d'un concours, mais sur leur qualité professionnelle, qui doivent donc être testés, éprouvés sur la durée. Et ça serait normalement des gens qui devraient être extrêmement respectés dans la société, à qui on devrait donner les moyens de travailler, qui devraient écouter aussi les autres. Et donc finalement, je crois que aussi à ce niveau-là, il y a une très grande réforme à mener. Voilà. Et eh ben ça a le mérite d'être clair. J'espère qu'on a Bandola qui va arriver assez rapidement. On va voir ce qui arrive. On va voir ce qui arrive. Arthur, qu'est-ce qui programme cette seconde pause musicale? La deuxième, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je tiens tout de suite à le préciser. Donc tu te dédouanes. Je me dédouane de la chose, exactement. Alors la deuxième musique, c'est Dusty Springfield, Sound of Preacherman, et c'est tout de suite plus conventionnel, ça. C'est Alma, justement notre invité surprise. Un pouce à délation, je ne. Le greffier. Et c'est tout de suite sur Upset Radio dont on va prendre des débats. Ah, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. How will I remember the look that was in se retrouve pour la fin du 97e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons l'avocat Antoine Veil, mais maintenant c'est à Robin. C'est à moi de parler. C'est à Robin que je vais donner la parole pour son édito. Écoute, c'est un édito qui est consacré à un sujet qui est en lien avec le monde de la justice, puisqu'il s'agit de la neutralité du... je commence à buter dès le début, c'est génial, la neutralité du net. Et à mon sens, le danger vient des États-Unis. Effectivement, le 14 décembre dernier, la nouvelle est tombée. Un vote de l'Agence américaine de régulation des télécoms, la Commission fédérale de la communication, FCC en anglais, a mis fin à ce qu'on appelle la neutralité du net. Et l'enjeu est de taille, Internet tout entier, tel que nous le connaissons depuis sa naissance, est menacé. Effectivement, la neutralité du net est tout simplement un principe d'égalité dans l'accès de chacun au réseau et à l'information. Il s'agit des grands principes fondateurs du World Wide Web. Cela implique la non-discrimination dans l'accès à l'information et à l'échange des données, et comprendre par là que, qui que vous soyez, vous aurez toujours accès sans entrave et de manière égale à tout le monde au contenu qui se trouve sur Internet. Les fournisseurs Internet, les FI, ne peuvent ainsi donc, jusqu'à maintenant, ne pouvaient pas bloquer ou ralentir un certain type de contenu en fonction de votre profil. C'est un des enjeux capitaux devant lesquels nous nous trouvons, puisqu'il s'agit d'un débat idéologique, on peut le dire, et éthique, foisonnant. Effectivement, les défenseurs de la neutralité du net articulent leur discours autour de la nécessité d'une égalité d'accès à Internet au nom de la liberté d'expression et d'entreprise. Casser la neutralité du net reviendrait à remettre en cause son essence et son fonctionnement tout entier. La menace vient des États-Unis, je vous le disais un peu plus tôt, effectivement. Mais cependant, jusqu'en 2015, on pouvait très bien penser le contraire. Effectivement, durant la mandature de Barack Obama, président démocrate des États-Unis entre 2008 et 2016, la situation de la neutralité du net était sous de meilleurs auspices. Ses défenseurs ont remporté cette année-là, en 2015, une victoire marquante. À l'issue d'un grand débat sur la question, la FCC avait déclaré Internet comme bien public. Je viens de la citer. À l'instar du réseau téléphonique. Ainsi, les fournisseurs d'Internet, ou FAI en abrégé, étaient dès lors contraints d'en observer le respect plein et entier. Alors, vous allez me dire, est-ce que le monde s'apprête à s'effondrer ? Parce que, comme vous le savez tous, le principe d'Internet, qui était malgré tout français à la base, a été piqué par les Américains. C'est les Américains qui possèdent la capacité de brider Internet. Est-ce que du coup, en Europe, nous sommes menacés ? La question se pose parce que, mine de rien, grâce à l'UE et grâce aux efforts français, rien n'est moins sûr. En effet, si l'affaire est pour le moment mal embarquée dans le Nouveau Monde, cela ne veut pas dire, pour autant, que c'est le cas en Europe, du moins pour le moment. À en croire Sébastien Soriano, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, on va utiliser ARCEP parce que sinon c'est un peu long, a déjà assuré au journal Le Monde, et ce dès le 14 décembre dernier, donc juste après le vote aux États-Unis de la FCC, que cette suppression de la neutralité du net n'aura pas d'impact direct en Europe. À l'intéressé est d'ajouter que, je cite, l'Internet français est le plus neutre qu'ailleurs, peut-être le plus neutre du monde même. Toujours étant que il l'a déclaré dans les colonnes du Monde. Si le patron de l'ARCEP apparaît si sûr de lui à ce moment-là, c'est qu'il peut, afin d'étayer ses propos, s'appuyer sur une directive de l'Union européenne votée en 2015, justement, ironie du sort, et qui garantit et protège la neutralité du net. Nous sommes donc sauvés. Pour finir, je vous dirais qu'effectivement, si en France, nous sommes pour le moment protégés, il y a matière à s'inquiéter, puisqu'effectivement, au Portugal, les choses ne s'annoncent pas si bien que ça, puisque l'opérateur Meo, un opérateur lusitanien, qui a contourné la directive européenne de 2015 en proposant à ses clients une sorte de web à deux vitesses qui comprend un accès de base à Internet et pour une somme supplémentaire, à peu près 5 euros par mois, plusieurs offres supplémentaires. Ainsi, un accès limité à Internet par le biais de Meo n'est garanti qu'à condition de payer plus et souvent bien plus cher. Merci Robin pour ces éclaircissements et je vous propose de terminer l'émission comme chaque semaine par les tops et les flops. Et maintenant, les tops et les flops. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, au bout de 97 émissions, les tops et les flops, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu dans l'actualité récemment, ça peut être un peu de tout. Hein, et puisqu'on ne change pas les bonnes habitudes, on va commencer par Arthur. Oh non, bon tant pis, si on ne change pas les bonnes habitudes pour 2018 alors. Alors moi j'ai un top pour l'instant, qui c'est pas vraiment un top en fait, c'est plus un fait divers d'actualité qui m'a beaucoup fait rire cette semaine. Voilà, j'aménage un peu Arthur, voilà. Ce soir, comme tu un top. Et donc en fait c'est quelqu'un qui a volé 655 hectares dans une fromagerie. Ça m'a beaucoup fait rire cette semaine. Non, c'est un top ou un flop? C'est plutôt un flop. D'ailleurs, il paraît que la présomption d'innocence a été levée pour tous les auvergnats du pays. J'ai fait un tweet sur ce sujet que j'ai intitulé « Défendre l'indéfendable ». Qui a eu un petit succès. Et puis, je n'ai pas de flop pour ce début d'année 2018 qui est plutôt pas mal. Voilà. Au bout de 15 jours, c'est quand même pas mal d'avoir quand même un bon début d'année. Juste un top, début, quoi, voilà. 15 voilà. jours. Bah, moi, écoute. Tu me connais, je suis un peu react, je suis un peu. Ça c'est terrible de ce point de vue-là. Tu n'avais pas voulu me donner ton top à l'avance parce que bon, Cassandre n'est plus là, mais bon, il faut quand même réanimer une certaine fibre citoyenne. Donc mon top, on va commencer par les bonnes nouvelles, c'est l'interdiction par le Parlement européen d'aujourd'hui de la pêche électrique qui s'annonçait être un grand sujet de débat. Et bon, moi qui aime bien manger, je peux que me réjouir qu'on interdise cette méthode absolument industrielle et on peut le dire un peu barbare quand même de pêcher le poisson, parce qu'il électrifie les fonds marins pour dénicher les poissons qui se cachent et qui jusqu'à maintenant réussit à échapper au chalut. Je trouve ça quand même pas trop mal, c'est ce qu'on pourrait dire humain entre guillemets. Et mon flop, bon là malheureusement on y arrive, c'est un grand sujet qui aurait pu être juridique s'il n'avait pas été avorté, autre grand sujet de droit, il y a quelques jours. C'est Gallimard qui renonce pour le moment à publier 3 essais de Louis-Ferdinand Destouches, alias Céline. Il s'agit, selon Antoine Gallimard, d'une suspension sine die, donc qui jusqu'à nouvel ordre. Et pour moi, c'est un flop, parce que l'on soit un amateur de la plume de Louis-Ferdinand Céline ou un fervent défenseur de l'antiracisme, je pense qu'on ne devrait pas, aujourd'hui, en 2017, interdire des livres qui, comme ceux de Céline, aujourd'hui en France. Voilà. Antoine Veil, un top. Moi aussi, j'ai un top et un flop. Alors, un top, d'abord, si j'avais vraiment un top, c'est les découvertes sur l'univers. Je trouve ça formidable que tous les jours, on nous annonce un truc sur l'univers. Mais en fait, je suis juriste, je suis avocat, c'est pour ça que vous m'invitez. Donc, mon top, ça va être le fait qu'il y a un projet aux États-Unis, et je crois qu'il existe aussi maintenant à Lyon, qui s'appelle Innocence Project, qui était fondé par un avocat, et ensuite qui a été connu dans toutes les États-Unis, et qui vise par les avancées scientifiques, notamment sur l'ADN, à innocenter des gens qui ont été injustement condamnés. Et très récemment, ils ont annoncé leur 200e cas d'innocence. Et je trouve ça assez formidable. Et je trouve qu'on devrait faire la même chose en France. Et si des étudiants veulent se lancer avec moi dans ce projet pour rejoindre ceux qui l'ont déjà mis en route, j'en serais tout à fait heureux. Et le flop, je viens de lire avant de venir que notre ami Dieudonné avait écrit à Abdeslam dans sa cellule. Et j'ai envie de dire qu'on en a vraiment ras-le-bol et d'une certaine façon j'y participe en parlant, mais c'est le genre d'actualité dont on n'a rien à faire, qui participe justement du cirque médiatique et qui met justement en cause ce qu'on évoquait plus haut, c'est la responsabilité des journalistes. Quand quelqu'un fait un truc stupide qui ne vise que à faire parler de lui, je comprends même pas comment ça arrive dans la rubrique des actualités. Donc c'est un double flop: un, on s'en fout, et deux, ça ne devrait même pas figurer dans notre chronique. Voilà. Merci Antoine Veil. Alors moi je vais terminer par mon top et mon flop. Mon flop, bah justement, c'est pas pour ta chronique, mais c'est pour le sujet de ta chronique, la net neutralité qui a été brisée aux États-Unis, ce qui est assez inquiétant. Et puis mon top, c'est pour un film argentin, El Presidente, qui a été réalisé par Santiago Mitre, qui vient de sortir, et avec un acteur notamment que je trouve superbe, qui s'appelle Ricardo Darín, qui joue le président argentin, et c'est un film qui est superbe, bon, déjà d'un point de vue des acteurs, hein, celui qui joue le président, vraiment un jeu absolument formidable. Et puis d'un point de vue géopolitique, c'est aussi assez intéressant. Ça se passe pendant un sommet sud-américain autour d'une éventuelle alliance pétrolière, et on voit bien comment se tissent les accords qui sont noués, pas tellement dans la transparence, pas autant qu'on le souhaiterait. Puis aussi une histoire personnelle face à laquelle est confronté le président. Donc c'est vraiment, c'est peut-être même une leçon politique, ce film. Voilà, intéressant, que je vous conseille. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Antoine Veil, d'avoir merci été... Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci, maître. Et la semaine prochaine, on continue à débattre, puisque nous vous proposerons un grand débat exceptionnel sur, suite au projet de loi d'Emmanuel Macron sur les fake news, un grand débat avec plusieurs experts, plusieurs personnalités du monde des médias. Je peux citer Lenny Benbara, directeur de la publication de Le Vent se lève, Pablo Pio Vivien, responsable éditorial de la revue Regard, Patrick Evenot, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, professeur à la Sorbonne, et Jean-Baptiste Semerjian, journaliste au Figaro. Ils viendront débattre ensemble des questions de la liberté de la presse en France, du pluralisme, des médias indépendants, du financement des médias. Voilà, pour le programme pour la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end et bonne semaine à tous. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis 19-20h.